Unité 2. Entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Les clés pour comprendre un message sur répondeur. Exemple. Bonjour, ici Madame Layek de l'agence immobilière Benea. C'est au sujet de votre recherche de logement. Nous avons un studio juste à côté de la faculté de médecine. S'il vous plaît, rappelez-nous avant 18h. Au 02 97 40 37 54. Merci, au revoir.